maintenant que les guerres sont écoulées, que nos vies ne sont plus que des soupirs, la rage au loin s'est catapultée, pour le meilleur car il n'y a de pire, au fin fond de la terre-océan, là où les sépultures demeurent, résident les autodestructeurs, souriants, tels des enfants. La vie s'est barrée, beau malandrin, à la recherche d'une nouvelle lueur. Ça me rappelle quand on prenait le train, quand ma vie à tes côtés avait une saveur. Je me souviens des rictus de plaisir, la chaleur de notre désir. Tel un soleil fait de plomb, la taraxie était notre temps. J'aurais pu m'appeler Barreau, je t'aurais appelé Barker. T'aurais pu me faire tomber de haut, je me serais redressé meilleur. Histoire de voir sur ton doux visage les larmes d'un espoir tragique. Enlacés s'enchaînent contre les vents de paroles insipides, plongés dans tes yeux d'ébène. Nos bouches échangées notre fluide, jeter les déchets de cette humanité, rejetant les règles, voulant l'intempérance, crachant au visage de ceux qui nous avaient retenus, souriant lors de notre déchéance. Thank you.